Chapitre 9e. Pendant toute la première partie de cette longue confession, on sentait que la comédienne avait préparé ce qu'elle disait. L'accent, le geste, le mot, même le désordre apparent des idées, était un effet de l'art. Mais peu à peu, elle avait oublié ce qu'elle avait arrangé, et elle s'était laissée prendre elle-même à sa propre émotion. Arrivée à l'aveu de son mensonge et de sa fraude, elle avait laissé couler de vraies larmes de ses yeux desséchés. Elle était retombée sur son oreiller, haletante, épuisée, répétant d'une voix entrecoupée. « Ta fille, elle est ta fille, je le jure !» Puis elle s'était tue. Il était resté, les yeux hagards, les lèvres entr'ouvertes, agitées par un tremblement convulsif. L'effort avait été trop grand pour sa faiblesse. Épouvanté, le marquis s'était penché sur elle, et en trouvant son regard fixe perdu dans le vide, il avait voulu appeler. De la main, elle l'avait retenu. « Non !» avait-elle dit, « ce ne sera rien pour cette fois encore. N'appelle pas, on nous dérangerait. » Dans le silence qui s'établit pendant qu'elle se taisait, on entendit, du côté du salon, des éclats de voix et des rires. « Il s'amuse, » dit Emma tristement. « Moi aussi, j'ai été insouciante et gaie. »« Ces bruits te blessent ?» dit Arthur, se dirigeant vers la porte. « Non, et d'ailleurs, il faut les laisser libres. Ils ne viendraient plus, s'ils se sentaient gênés. Ils ont été bien bons pour moi. Ils m'ont sauvé de la solitude. » « Mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit, c'est de nous, c'est de Denise. J'ai la tête si faible que je ne sais disposer de ce que j'ai à te dire, ni suivre un ordre d'idées. Il me semble qu'avant tout ce que j'ai à faire, c'est te convaincre qu'il y a 10 ans j'ai menti, tandis qu'aujourd'hui je suis sincère. Quand tu seras certain que Denise est ta fille, elle sera sauvée, et je pourrai mourir. Mais comment te donner cette certitude ?» Elle se tordit les mains dans un geste désespéré. « Tu m'as cru si facilement il y a 10 ans quand je t'ai jeté ce mensonge comme un défi. Je te vois encore. Ton visage s'est si subitement décoloré que j'ai cru que tu allais mourir. Tu t'es avancé sur moi les 2 poings levés. Oh, si tu m'avais battu. Mais tu t'es arrêté. Puis, tournant brusquement sur toi-même, sans un mot, sans un geste, sans un regard, tu es sorti, et depuis, je ne t'ai plus revu. 5 mots ont alors suffi pour tout rompre, et maintenant, depuis 1 heure que je parle et supplie, que je fais tout pour te convaincre, tu restes insensible. Non pas insensible, mais le cœur ému, l'esprit bouleversé. Eh bien, écoute ton cœur et laisse-toi entraîner par ton émotion. Impose silence à ton esprit. C'est à ton cœur que je m'adresse, c'est lui que j'implore. Les mourants ne mentent pas. Je te jure que Denise est ta fille, je te jure que toi seul peux en être le père. Je sais, bien que le doute est légitime en toi, puisque tu as été trompé il y a 10 ans, tu avais pu l'être avant. Eh bien non, tu ne l'avais pas été. Arthur, rappelle-toi ma joie quand je me suis senti mère d'un enfant dont tu étais le père. Ah, quel supplice horrible d'être obligé de chercher ainsi des paroles pour faire entrer la conviction dans ton cœur. Et qu'elles sont heureuses les femmes qui n'ont qu'à dire « Voilà ton enfant » pour qu'on les croie. Et pas une preuve, rien en moi pour te persuader. Tout contre moi, au contraire, ma faute, mon mensonge, ma vie entière. Elle se cacha la tête entre les mains. Assis devant elle, le marquis restait les yeux attachés sur le tapis. Enfin, il releva la tête. Il vit qu'elle avait à demi écarté ses mains et qu'elle le regardait fixement. Évidemment, elle était à bout. Les efforts l'avaient épuisée. Ne fût-ce que par pitié, il voulut répondre à ses paroles ardentes. Mais que dire, s'il ne prenait pas l'engagement qu'elle implorait? Et comment le prendre, cet engagement, alors que le double l'étreignait de ses griffes, ne le lâchant un moment que pour le ressaisir aussitôt plus profondément. Il l'avait adoré, cet enfant, dont pendant 5 années il s'était cru le père. Il avait été fou de sa gentillesse. Elle avait éveillé en lui un sentiment dont il n'avait jamais soupçonné la douceur avant de le ressentir, la tendresse paternelle. Puis un jour, il lui avait dit que ce sentiment était faux, et que cet enfant n'était point lui. Il avait donc, pendant 5 années, aimé la fille d'un inconnu, d'un ennemi peut-être, d'un ami qui l'avait trompé. La blessure avait été cruelle, jamais elle ne s'était cicatrisée. Depuis ce moment, quand il avait pensé à cet enfant, il n'y avait pas eu de jour qu'elle ne le poursuivît de son image charmante. Ce n'avait jamais été sans un sentiment de colère et de honte. Et quoi? Il avait été assez niais pour donner le meilleur de son cœur à un enfant qui ne lui était rien? Comment avait-il pu se laisser tromper et surtout se tromper lui-même ainsi? Maintenant, on lui jurait que tout cela était mensonge, que sa fille était bien sa fille, et on lui demandait de retrouver tout d'un coup pour elle la tendresse qu'il avait éprouvée autrefois. Quand avait-elle menti? il se débattait au milieu de cette obscurité sans trouver une lueur qui dirigeât son inspiration. Après un moment de repos, Emma reprit. « Je sens bien que toutes les paroles, toutes les protestations sont impuissantes à te convaincre. Tu te laisses émouvoir, tu ne peux pas te laisser persuader. Et c'est là mon châtiment, le plus terrible qui puisse m'atteindre. Cependant, il faut que cette conviction entre dans ton esprit. Il faut que cette persuasion emplisse ton cœur. Pour moi, je ne peux plus rien. Et ce m'est un grand désespoir. Que tu ne reçoives pas ta fille de ma main. Mais tout n'est pas fini encore, Dieu merci. Denise reste. Elle fera ce que je n'ai pas pu faire. Va la voir. Et son regard te parlera un langage qui touchera ton cœur. Elle n'est pas seulement ta fille par le sang, elle l'est encore par la ressemblance. Va la voir, et la regardant, tes doutes se dissiperont. Si elle te ressemble, c'est qu'elle est bien ta fille, n'est-ce pas? Où est-elle? Ah, comme tu as dit cela, et comme ton empressement me donne de chagrin et d'espérance à la fois. Moi, tu ne peux pas me croire. La ressemblance, tu la croiras. Il te faut cette preuve. Jusqu'à 10 ans, j'ai gardé Denise avec moi. Mais il est arrivé un moment où son esprit précoce ne m'a plus permis de la laisser dans cette maison. Pour elle, pour moi, pour elle surtout, il fallait nous séparer. Je l'ai alors placée dans une pension à Château-Chinon, si loin de Paris. C'est précisément parce que c'était loin de Paris que je l'ai mise là. Elle ne pouvait pas, par des camarades, entendre parler de sa mère. À Château-Chinon, Emma Lajolais est parfaitement inconnue, et rares sont les gens qui lisent les journaux de théâtre. Il est vrai que cela me privait de la voir aussi souvent que j'aurais voulu, mais enfin, mieux valait qu'il en fût ainsi. Au moins je l'ai cru, et dans son intérêt pour le présent, pour l'avenir, surtout pour son avenir, je me suis imposé ce sacrifice. Depuis que je suis malade, et que je sais que je ne quitterai pas ce lit, j'ai, tu dois le croire, pensé à la faire venir et de l'avoir près de moi. Mais comment introduire une enfant de 15 ans dans cette maison? Balbine est un cœur excellent, mais elle est Balbine. Les autres aussi sont de braves cœurs, mais je ne pouvais pas leur confier ma fille. Et puis, il y a encore une autre raison que tu comprendras quand tu l'auras vue. Sa beauté, car elle est belle, ta fille, très belle. Elle baissa la voix. Il vient ici une personne que cette beauté eût pu toucher, et il ne fallait pas que cela fût. Le marquis la regarda, elle détourna les yeux, puis après un moment de silence, elle reprit. Enfin, il faut que tu saches encore que rien dans cet appartement ne m'appartient. Dans 2 ou 3 jours, tout cela sera vendu. Si je ne suis pas encore morte, on me mettra dehors. Où ma fille serait-elle allée? Je suis là, interrompit le marquis. N'interviens pas dans ces affaires, je t'en prie. Tu ne sais pas jusqu'où elle t'entraînerait. Ce mobilier n'est pas seulement le gage de mes dettes personnelles, et tu ne dois pas paraître dans tout cela. Laisse les choses aller, et ne pense qu'à Denise. Maintenant que tu es ici, je puis la voir. Elle sera sous ta garde. Veux-tu l'aller chercher? Je partirai demain par le premier train. Je vais t'écrire une lettre. Donne-moi le buvard, je te prie. Repose-toi, tu es fatigué. Tu écriras demain. Je vais rester là, je passerai la nuit sur ce fauteuil. Elle fit un geste. Ou dans ton salon, si je te gêne, continua-t-il. À vrai dire, j'aime mieux que tu ne passes pas le reste de la nuit ici. Il ne faut peiner personne, même innocemment. Je vais écrire. Il lui donna le buvard, mais elle avait la vue tellement affaiblie qu'elle ne put pas tremper sa plume dans l'encrier. Il fallut qu'il lui dirigeât la main. Tant bien que mal, elle écrivit la lettre suivante. « Chère mademoiselle Davin, je vous prie de remettre ma fille aux mains de monsieur le marquis de Rudemont, son... » Puis s'interrompant, « Puis-je mettre son parrain, car tu es son parrain ?»« Assurément, tu dois le mettre. »« Son parrain, qui veut bien me l'amener pour que je lui fasse mes adieux, car je suis gravement malade. »« Croyez à toute ma reconnaissance pour vos bons soins. » Emma Lajolais.